regard noir parce que les soucis rendent aveugle. Balance ma rage au fil des sons que je reprends tout de suite dans la gueule. On suce les pouces sur des briquets vides. On m'a dit fume les douces, la rue n'est qu'une épouse qui t'interdit d'être libre. Liberté, égalité, fraternité. Merde putain, croire en mes rêves à force de le dire, je suis parti le faire plus loin. Et puis je m'acharne des facéties, des bises macabres. Où c'est la haine qui vise ma caille, t'es pas ce crédit, t'évites la balle putain. C'est pathétique, j'ai pas de crédit, l'énigme attaque, j'ai pas tes vis, fais vite ma dalle, fracasse des vitres et quitte la salle, plus rien. Et elle est loin, l'époque des fraises, tagada. On va dire baisse pas ta garde, surtout ne baisse pas le taga. Le cœur est lâche, la peur est là, c'est lâche part. Un esprit en béton caché qui pourrait écœurer l'asphalte. Je vais plomber là, je mise que des vraies pages de clair franche. T'as tombé la chemise comme le TRH de Air France. La haine me bouffe, j'ai des idées de malade. Moi je saigne debout, j'ai des rides et des balafres. Je me perds, je doute, mais je reste fier de nous. Je déteste faire le fou qui freine, je suis fier de nous. La haine me bouffe, j'ai des idées de malade. Moi je saigne debout, j'ai des rides et des balafres. Je me perds, je doute, mais je reste fier de nous. Je déteste faire le fou qui freine, je suis fier de nous. Nouvelle page, nouveau pic, mais toujours le même vécu. On stocke, on s'improvise, on triche pour ne rien dire. Je suis pas féru de leur pote. J'ai voulu flairer le bon filon. La belle époque fila. Au final, je fuis un puissant fond. T'as raison, kidnappe. J'atrophie mon vosier avec la haine qui te kidnappe. L'alcool qui t'ensorcelle quand le chétan vient te mettre le petit tas. Rappelle à l'ordre, car seule ta conviction te guidera. Où iras-tu, comment? Je reste muet, ma conscience mimera. Des mots inaudibles qu'on dit, la gueule, les dents serrées. Hors série du crime, Charlie Hebdo et son amour pour la Syrie. Alors ma feuille sereine s'effrite pour finir ulcérée. Comme mon synopsis s'affaisse, ma routine n'est pas faite pour leur série. J'ai l'âme d'un solitaire, dans les rangs j'ai des similitudes. Y'a pas de dernière chance, quand la dernière dent s'immisce, elle tue. Quelques flocons qui tombent, recouvre des balles, il vient de faux hommes. Un sale délire bien crade et terre, la palifresse de Snow John. La haine me bouffe, j'ai des idées de malade. Moi je saigne debout, j'ai des rides et des balafres. Je me perds, je doute, mais je reste fier de nous. Je déteste faire le fou qui freine, je suis fier de nous. La haine me bouffe, j'ai des idées de malade. Moi je saigne debout, j'ai des rides et des balafres. Je me perds, je doute, mais je reste fier de nous. Je déteste faire le fou qui freine, je suis fier de nous. Le soleil cache l'éclair et je m'acclimate pas. Les bâtiments parlent, je veux pas d'image qui m'habille mal, gars. Le diable est là, je veux pas qu'il m'aille, c'est quasi le pas de grave. On se pète le cartilage, j'efface une arme et gratine la page. Et gratine la page, à vrai dire l'ensemble du livre est fat. Je les ai toutes collées pour faire du rap, un endroit libre et vaste. J'ai pas ce qu'aurait du vent, je reste en retrait ou à l'orée du vent. Enfin se faire discret pour honorer la plume dorée du temps. Viens qu'on s'évade, je pose mes bagages dans les cieux. La rage dans les yeux, vieux, rien qu'on se fait mal. La poisse est là et je t'assure qu'elle fera pas d'amistade. Au fond j'ai pas d'avis, je vais te laisser sur la frappe amista. Y'a pas de blague, je te l'affirme, métal mes rimes et la forme. La bonne formule pas rien si on suit la voix qui est aphone. Conscience silencieuse cachée sous des métaphores. Font face à mes consonnes anxieuses quand mes voyelles donnent la force. La haine me bouffe, j'ai des idées de malade. Moi je saigne debout, j'ai des rides et des balafres. Je me perds, je doute, mais je reste fier de nous. Je déteste faire le fou qui freine, je suis fier de nous. La haine me bouffe, j'ai des idées de malade. Moi je saigne debout, j'ai des rides et des balafres. Je me perds, je doute, mais je reste fier de nous. Je déteste faire le fou qui freine, je suis fier de nous.